dernier d'une famille de 8 enfants. Déjà les sourcils froncés, lunatique toute mon enfance. J'étais un môme calme et assez mûr pour son âge. Mais quand tu commences ta vie, t'as vite fait tourner la page. T'as les soucis qui te touchent et toi t'augmentes ta rage. T'as plein de choses qui te poussent à dépasser la marge. Quand j'étais petit, je me voyais médecin. J'ai fini dans le bâtiment à niquer le dos et les mains. Je passais mon temps à regarder le ciel. Puis j'ai grandi et regardé le déhanché de mademoiselle. J'étais un ange jusqu'à qu'on me coupe les ailes. Vers le mal tu te penches et là tu te rappelles que t'avais plein de rêves, mais qu'en fait tu dormais. Qu'aujourd'hui tu te réveilles et qu'en fait tu te trompais. J'ai pas connu l'adolescence, chez moi pas de temps pour la crise. J'ai pleuré à la naissance, c'est que tout était très triste. Que tout était très triste, que je m'appelais pas Baptiste. Mais que j'étais fier d'être musulman et d'être sur la bonne piste. Rien à foutre, tu es un môme qui prend des risques. Et si t'écoutes cette zik, c'est que t'as aimé le 10. C'est une histoire de gosse et tout s'est effacé. C'est une histoire de gosse et on en parle au passé. C'est une histoire de gosse et je n'arrive plus à me relever. C'est une histoire de gosse, je crois bien que j'ai dû rêver. C'est une histoire de gosse et tout s'est effacé. C'est une histoire de gosse et on en parle au passé. C'est une histoire de gosse et je n'arrive plus à me relever. C'est une histoire de gosse, je crois bien que j'ai dû rêver. Les souvenirs de mon enfance ne sont pas couleur rose. J'aborde ceci, j'ai mon inspiration à sa dose. Pour une cause, non, je dirais pour plusieurs choses. Bonheur, tristesse, voilà ce qu'a construit ce gosse. Aucune politesse, je rêvais de mon survêt de Lacoste. Casquette sur la tête, une petite paire de Air Force. Mon père est parti, qu'il ne croit pas que je lui en veuille. Sa mère est vieille, il allait au pays pour veiller sur elle. Un regard à la fenêtre, je vois un enfant avec son daron. Ils ont l'air heureux, ensemble ils jouent au ballon. Et moi j'étais là, j'étais seul, je l'attendais. Je comprenais pas, j'étais jeune, la vie je savais pas ce que c'était. Histoire de gosse incompris par les adultes, faut que ça change tous ensemble. Contre ça, faut qu'on lutte. Pour son ptio, prêt à consacrer toutes ces minutes. C'est ça le vrai amour qu'on devrait voir dans nos rues. Tu viens sans le vouloir, tu pars sans le demander. Tu commences par le bavoir, tu finis décédé. C'était l'histoire de deux jeunes de quartier. Je remercie tous ceux qui ont suivi texte d'identité. C'est une histoire de gosse et tout s'est effacé. C'est une histoire de gosse et on en parle au passé. C'est une histoire de gosse et je n'arrive plus à me relever. C'est une histoire de gosse, je crois bien que j'ai dû rêver. C'est une histoire de gosse et tout s'est effacé. C'est une histoire de gosse et on en parle au passé. C'est une histoire de gosse et je n'arrive plus à me relever. C'est une histoire de gosse, je crois bien que j'ai dû rêver. C'est une histoire de gosse. C'est une histoire de gosse. C'est qu'une histoire de gosse. C'est qu'une histoire de gosse. Une histoire de gosse. Une histoire de gosse.